Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 83. Du libre arbitre. Le libre arbitre existe, il est une des facultés de notre âme, son identité avec la volonté. 1. L'homme a-t-il le libre arbitre? L'homme possède le libre arbitre, rien n'est plus clair, par la foi et par la raison. Premièrement, par la foi, Dieu, dit l'Esprit Saint, a constitué l'homme dès le commencement, et l'a laissé entre les mains de son propre conseil, Ecclésiastique 15-14, c'est-à-dire de son libre arbitre. Secondement, par la raison, nous demandons, d'abord, ce que signifieraient les conseils, les exhortations, les préceptes, les défenses, les récompenses et les châtiments, si nous n'avions pas le libre arbitre. Ensuite, lorsque l'intelligence juge qu'une chose doit être évitée ou recherchée, nous sentons que ce jugement provient d'une comparaison où elle a pu choisir entre des objets opposés, comme on le voit dans les syllogismes de la dialectique et dans les divers moyens de persuasion enseignés par la rhétorique. Notre jugement, qui n'est pas déterminé à un seul objet, peut choisir entre plusieurs. Nous possédons le libre arbitre, par cela même que nous sommes des êtres raisonnables. Note. Les fatalistes font plusieurs objections contre le libre arbitre. Ils apportent d'abord ce texte de saint Paul, « Le bien, que je veux, je ne le fais pas, et le mal, que je hais, je le fais. » Romains 7. Nous n'avons jamais prétendu que l'appétit sensitif ne se révolte pas de temps à autre contre la raison. Or, le bien que l'homme veut et qu'il ne fait pas consiste précisément à ne rien désirer de contraire à la raison. Il cite ensuite ce passage du même apôtre, « Cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court ». Ce que l'apôtre n'a pas dit dans le sens que l'homme ne soit pas libre de vouloir et de courir, mais bien afin de faire entendre que le libre arbitre ne suffit pas pour arriver au ciel, s'il n'est mu et secondé par la grâce. Ils allèguent enfin ces paroles du prophète Jérémie, « La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à lui à diriger ses pas, Jérémie 10. Paroles qui doivent être entendues de l'exécution d'un dessein, dans laquelle l'homme peut être arrêté, soit qu'il le veuille, soit qu'il ne le veuille pas, mais la liberté du choix est toujours en son pouvoir. » Fin de la note. 2. Le libre arbitre est-il une faculté? Quoique, dans le sens étymologique, le mot libre arbitre paraisse désigner un acte, on donne plutôt ce nom, d'après l'usage, à la puissance même par laquelle nous jugeons avec liberté. Or, cette puissance n'est ni une habitude, ni une force enchaînée à une habitude, car, pour les choses soumises à notre libre arbitre, il n'existe en nous aucune inclination naturelle. La volonté pouvant se porter également vers le bien ou vers le mal. Par conséquent, le libre arbitre n'est ni un acte, ni une habitude, il est une faculté de notre âme. 3. Le libre arbitre est-il une faculté appétitive? Bien que le choix qui caractérise le libre arbitre tienne en même temps de l'intelligence et de l'appétit, il appartient surtout à l'appétit qui nous fait désirer ce que l'intelligence a jugé meilleur dans le conseil préalable. Pour cette raison, nous dirons que le libre arbitre prend rang parmi les facultés appétitives. Note. À la suite de la délibération de la raison, dit saint Jean Damascène, marche immédiatement le libre arbitre, qui choisit à son gré. Fin de la note. 4. Le libre arbitre est-il une autre faculté que la volonté? Entre le libre arbitre et la volonté, on trouve le même rapport qu'entre la raison et l'intelligence. L'intelligence accepte simplement les premiers principes, comme la volonté veut la fin dernière. La raison s'applique aux conclusions qui ressortent des premiers principes, comme le libre arbitre choisit les moyens qui conduisent à la fin. La volonté est donc au libre arbitre ce que l'intelligence est à la raison. Or, comprendre et raisonner sont du ressort de la même faculté. Donc vouloir et choisir sont aussi du ressort de la même puissance. Donc encore la volonté et le libre arbitre ne sont pas deux facultés, mais une seule. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.